Et on va commencer une autre étape. Hein? On est dans Apocalypse 15 ce matin. Donc, on devrait se rendre, avoir fini avant l'été. Parce que les derniers chapitres vont aller un peu plus vite, j'ai l'impression. Il y a une vérité qu'on veut soustraire, qu'on veut enlever de la Bible depuis quelques années, dans le monde évangélique même, dans le monde, surtout dans le monde non évangélique, mais même dans le monde évangélique, on n'aime pas utiliser le terme « la colère de Dieu ». On veut enlever ça. Dieu n'est pas colère. Dieu est juste amour. Dieu est juste compatissant. Dieu est juste bienveillant. Il est bon. Il est amour. Et quand on dit Dieu ça va se mettre en colère, les gens disent, non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas se mettre en colère. Mais pourtant, la Bible est claire. Hein? On en parle assez souvent que Dieu a de la colère. Mais une colère sainte, une colère juste, une colère parfaite. Parce que vous savez comme moi que la colère, ce n'est pas péché. C'est les raisons qui nous mettent en colère, des fois, qui peuvent être péché. Ce qu'on peut faire pendant qu'on est en colère peut être péché. La colère, en tant que telle, c'est juste un sentiment. Ce n'est pas péché en tant que tel. Parce que si c'est un péché, la colère, Dieu ferait des péchés aussi. Parce qu'il aussi, il se met en colère. Regardez quelques versets qui parlent de cela. Quelqu'un qui veut lire Jean 3, 36? Romains 1, 18. Je me souviens une fois, j'avais lu ça, ce verset-là, à quelqu'un. Il avait dit, mais ça se peut pas. Dieu n'est pas en colère contre toute la race humaine. Il comprenait le verset, mais ça se peut pas que Dieu le fasse. Là, je dis, oui, mais Dieu est en colère, mais il y a un moyen d'éviter sa colère. Mais ce n'est pas de la nier qu'il l'enlève. C'est de dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant que la colère de Dieu est contre moi en tant que pécheur? Qu'est-ce que je peux faire? Éphésiens 5, 6. Les 20 discours ici, c'est les choses qui vont contre la vérité, hein, qui ne sont pas la vérité. Colossiens 3, 6. Apocalypse 14, 19 dit, « Et l'ange jeta sa fossée sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange à la grande cuve de colère de Dieu. » Apocalypse 15, 1. Dans Apocalypse 16, verset 1, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Et ce matin, c'est ce que nous allons regarder ce matin, la colère de Dieu. Dieu est en colère. Il est déjà en colère. Souvenez-vous, dans le premier verset qu'on a lu dans Jean 3, « Et la colère de Dieu demeure sur eux. » Elle est là et elle reste là. C'est comme elle ne manifeste pas ses effets. C'est comme quelqu'un est en colère, il a le marteau dans les mains, mais il ne frappe pas, il se retient. À un moment donné, il va laisser aller le marteau. Comme Dieu, sa main, c'est comme, on appelle ça une épée de Démoclès, qui est juste au-dessus de la tête, puis qui va finir par tomber. Mais elle est là, elle est prête à frapper, mais elle retient. C'est ça que la Bible appelle la longanimité de Dieu. Dieu retient sa colère, retient son jugement, jusqu'au jour où est-ce que ça va être le temps de la lâcher. Et de frapper le monde impie, ou le monde qui l'a rejeté, le monde qui n'a pas voulu se soumettre à sa volonté. Et on va voir La première chose qu'on va voir ensemble, c'est quand Dieu va-t-il répandre sa colère sur le monde? Dans le verset chapitre 14, bon, j'avais dit 15, hein? Reculez, c'est 14-14 qu'on est rendu. Et il compare ici le temps à la moisson. Quand que je parle de moisson, ça vous dit quoi? C'est prêt, hein? Quand c'est dit, c'est le temps de la moisson, ça veut dire que c'est le temps de passer dans le champ, couper le blé ou l'avoine et le ramasser. Et la Bible a fait beaucoup de références dans les évangiles ou ailleurs que le temps de la fin est comparé à une moisson. Verset 14, chapitre 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or. Et dans sa main, une faucille tranchante. Une faucille, vous savez c'est quoi? C'est une petite manche avec un affaire rond au bout. Tu sais que ça, on est tous assez âgés pour savoir ça. Puis on coupe, on pognait du blé comme ça, puis on le coupait. On en faisait une maillotche, puis on l'attachait ensemble, on mettait ça au côté. Hein? C'était pour faire la récolte. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance la faucille et moissonne, car l'heure de la moisson... » De moissonner est venu. La moisson de la terre est mûre. Celui qui est assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, excusez, et, ayant lui aussi une autre faucille tranchante. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance la faucille, tranche !» et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange lança sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Vous commencez grand, 1600 stades? C'est pas loin de 1000 kilomètres. 1000 kilomètres, on s'en va jusqu'où avec 1000 kilomètres? On s'en va quasiment jusqu'à Toronto. Juste pour marquer qu'il va en avoir, la colère va être forte, il va y avoir beaucoup de sang répandu. Mais ici, il parle de moisson. Il parle de deux fossiles. La fossile pour couper le blé. Et as-tu déjà fait la vendange de raisin? Couper les grappes de raisin? Anciennement, c'était encore une autre petite faucille, mais plus petite. La même affaire. C'est un petit manche avec un petit couteau courbé. On pognait la grappe, puis on tirait dessus, on la coupait. Fait que c'est deux genres de faucilles. Puis il dit, l'heure de récolter est arrivée. Puis il dit aux anges, lancez la faucille sur la terre pour récolter la moisson. La Bible nous parle d'un autre moisson. Aussi. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. De quelle moisson il parle ici, Jésus? Oui, mais Jésus, quand il parle dans Jean 4 puis dans Matthieu, il parle d'une autre sorte de moisson. Il parle de la moisson de vous et moi. La première moisson. Il y a deux moissons dans la Bible. Quand l'Église a commencé dans Jean, ou dans les Actes des Apôtres, c'était la première moisson. La moisson des élus de Dieu. Il dit, le temps de la moisson est arrivé. C'est le temps de récolter maintenant les gens qui vont être sauvés. Récoltez-les. Allez-y. Il envoie ses disciples récolter la moisson. La moisson, il dit, est blanche. C'est prêt. Allez-y. Il envoie ses disciples dans la moisson et il dit, récoltez ma moisson à moi. Vous savez, dans le champ, il y a deux sortes de moissons. La parabole du semeur. Non, pas la parabole du semeur. La parabole de l'ivraie, du bon grain. Dieu a semé du bon grain. Il y en a un qui passe en arrière et il sonne de l'ivraie, le diable. Et ça veut dire qu'il y a deux moissons. Là, il dit maintenant, vous autres, les enfants de Dieu, allez et récoltez le blé que j'ai semé moi. Ça, c'est le temps. Depuis que l'Église a commencé, nous sommes dans la moisson. La moisson de récolter le blé qui va aller dans le grenier de Dieu. Ses enfants. Mais là, ici, il parle d'une autre moisson dans l'Apocalypse. Ça, c'est la deuxième moisson. C'est la moisson de ceux qui ne sont pas de Dieu, livrés. C'est le même exemple. Dans Jean, pour l'Église, c'était la moisson imprête, récoltée. Maintenant, ici, il dit, il y a une autre moisson qui est prête. Puis là, il dit à ses anges, c'est pas là, pas aux chrétiens, à ses anges. Maintenant, c'est le temps d'aller récolter. La moisson est prête. Et on va les récolter et on va faire de quoi avec ces gens-là. C'est un principe agricole, vous savez tout ça comme moi. Quand c'est la moisson est prête, il faut le temps. Donc, quand est-ce que Dieu va emmener sa colère? C'est quand la moisson va être prête. La moisson de récolter ceux qui sont contre Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un autre principe qui est équivalent quand la moisson est prête. C'est le péché étant son comble. Vous avez déjà entendu ça? Dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait envoyer Moïse avec toute son armée contre le pays de Canaan, il dit, pas tout de suite, pas tout de suite. Le péché n'est pas encore à son comble. Quand le péché est rendu à son comble, Dieu envoie le récolte. Souvenez-vous dans le déluge, au déluge, pourquoi Dieu a envoyé le déluge à ce moment-là? Il dit, le péché était à son comble. Il dit, toutes les pensées des hommes et des femmes, bien entendu, toutes les pensées des hommes et des femmes ne sont plus que péché. C'est le temps de récolter, c'est fini. Il est rendu au max. Il est rendu au plus loin que vous pouvez aller. Souvenez que Jésus, qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il était sur la terre? Il dit, la fin du monde, il en sera comme au déluge. Sodome et Gomorre, c'est la même vérité. Le péché t'a rendu à son comble. Deux hommes rentrent dans la ville, ou deux anges rentrent dans la ville veut sauter au-dessus, tout est violé. Le péché t'a rendu à son comble. Quand le péché de l'humanité va être rendu à son comble, ça va être le temps de la récolte. Dieu dit, ça va être fini. J'ai détruit la terre un jour par l'eau, et la deuxième fois, je vais le détruire par le feu. Je vais détruire tout le restant. Ça va être le temps de la récolte. Mais la récolte des mauvaises herbes, du chien-d'air, comme on veut dire, de ceux qui n'ont pas voulu croire, de ceux qui n'ont pas voulu se repentir, de ceux qui ont rejeté Dieu. Dieu, je vais vous prendre et je vais vous envoyer dans une autre place. Il dit, je vous mettrai pas dans mon grenier, mais je vais vous faire brûler. C'était l'exemple. À toutes les places, il dit, prenez les marchandes d'herbe, puis jetez-les dans le feu, on va les brûler. Quand il parle de la vigne, une autre place, dans Jean 15, il dit, coupez toutes les serpes avec qui ne portent pas de fruits pour ma gloire, et jetez-les en dehors de la vigne et faites-les brûler. C'est toujours le même exemple. C'est toujours une répétition du même principe. Il y a un jour où est-ce qu'il va y avoir une récolte, où est-ce que Dieu va prendre tous ceux qui n'ont pas voulu croire et va les mettre sous sa colère, puis il va les punir éternellement. Et si nous sommes rendus là, ce principe est arrivé. C'est pas nouveau, vous savez. Regardez on va lire un verset dans Joël, en bas ici. Hantez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, faites descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. La cuve regorge, c'est grand, car grande est leur méchanceté. C'est la même vérité ici encore. Là. Il parle de la moisson, il parle du raisin, récolter le raisin. C'est la même vérité. La méchanceté de l'homme est rendue grande. C'est le temps de faire la récolte. Pendant que je méditais là-dessus cette semaine, je me disais, pense que des fois, le monde est inconscient du danger qui l'attaque. Inconscient. Les gens ont peur quelqu'un paye sur le petit bouton. Là. Hein? Puis, qu'est-ce qu'on veut faire en Amérique du Nord? On veut faire là, un bouclier anti-missile. On a peur qu'à un moment donné, un fou va péter sur le bouton, ils vont avoir des missiles sur une sauter sur la tête. Donc là, on va se mettre un gros bouclier pour empêcher les missiles de nous frapper dessus. Il y a quelque chose de bien pire qui s'en vient, qu'aucun bouclier ne peut arrêter. C'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur le reste humain. Ce jour-là s'en vient. Et c'est pas vous, c'est pas moi qui va donner le signal de la porte de départ. C'est Dieu qui va dire dans le ciel, la moisson est prête. Et ça va être fini. Il peut dire ça n'importe quand. On ne sait pas nous autres. On n'a aucune idée ça va être quand. Même Jésus était sur la terre, il a dit quoi? Je ne le sais pas. Mon Père dans le ciel le sait. Moi, je ne le sais pas. Même lui, pendant qu'il était sur la terre en tant qu'être humain, il dit, je ne le sais pas. Juste Dieu le sait. Donc, essayez pas de le découvrir. Hein? Oui. Il dit, vous allez le voir venir. Moi, quand j'étais cultivateur, je voyais venir, là. Ça blanchissait. On disait à ma femme, ce sera pas long, une couple de semaines, on va faire les récoltes. Préparons-nous. On se couchait plus de bonne heure. On se ramassait de l'énergie, parce que quand les récoltes sont là, qu'est-ce qu'on arrive? Il faut y aller. On travaille 10, 12, 14 heures par jour, puis on y va pour faire les récoltes le plus vite possible, pour ne pas être gaspillé. Aujourd'hui, on fait plus ça pareil. On est dans nos gros tracteurs, avec climatisé, avec les radios, AM/FM, la télévision. Mais dans mon temps, moi, c'était avec les chevaux, puis on travaillait fort. Mais quand moi je disais, quand François disait, c'est la récolte, on embarquait sur le champ, on le faisait. Parce que c'est moi qui étais propriétaire du champ. Et quand Dieu va dire, c'est le moment de la moisson, il n'y a personne qui va se lever et dire, c'est pas prêt, Seigneur, attends un petit peu, je vais revenir. Non, non, c'est fini, c'est en la récolte. Donc, ça va venir quand la récolte va être prête. Pour nous, ce n'est pas de se soucier quand ça va venir. C'est de se rappeler que ça va venir. C'est ça qui est important pour nous. Important pour nous en tant que croyants, et important pour nous en tant que croyants pour aller chercher les gens autour de nous qui ne sont pas encore changés de camp. Parce qu'il est encore le temps. Tant qu'ils ne diraient pas que la moisson est prête, il est encore le temps de faire partie de la première moisson. Deuxièmement, pourquoi va-t-il amener, pourquoi est-ce que Dieu est en colère? Chapitre 15. Pourquoi Dieu est-il en colère? Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient un cantique de Moïse, serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ça, c'est la première partie. Pourquoi est-ce que Dieu va emmener une fin à ce monde? Pourquoi est-ce que Dieu va finalement passer à l'action? Il y a ici, dans ces trois ou quatre versets-là qu'on vient de lire, il y a un groupe de personnes qui chantent dans le ciel et qui demandent à Dieu quelque chose. C'est la même gang qui était dans le chapitre 6 sous l'autel de l'agneau, l'autel de Dieu dans le ciel. Il y avait des milliers d'hommes là. Et qu'est-ce qu'ils demandaient, eux autres, ces milliers d'hommes-là? Quand est-ce, Seigneur, vas-tu venger le sang de tes enfants? Quand est-ce, Seigneur, tu vas mettre une fin à la folie humaine? Quand est-ce, Seigneur, tu vas passer à l'action? Puis c'est ce même groupe qui est debout, qui n'ont pas pris l'image, pas pris la marque du dragon, mais qui ont le nom de Dieu écrit sur le front, ils chantent, ils demandent à Dieu de passer à l'action. Ils chantent à Dieu, ils disent, tes jugements sont bons, sont corrects. Ils veulent que Dieu mette une fin à la folie de l'humanité. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a un désir? Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui s'appelait David. Dieu lui avait donné une responsabilité à David. C'était libérer le peuple d'Israël de tous ses ennemis. Et si vous lisez les psaumes de temps en temps, vous allez voir dans les psaumes que David souvent dit à Dieu, tu l'es, Seigneur. Tu l'es, Seigneur. Enlève-les, Seigneur. Arrache-leur la barbe, Seigneur. Arrache-leur toute la chute de sa tête, Seigneur. Fallait mourir, Seigneur. David a un grand désir de détruire tous les ennemis de Dieu. Ça veut dire, ouais, mais nous autres, nous n'avons pas demandé de vouloir la mort de notre voisin, là. C'est pas la même chose. Hein. Mais le principe pour nous autres est spirituel. Le chrétien a dans lui un désir qui vient de Dieu, que le mal arrête un jour là. Il veut que le mal arrête dans sa propre vie, premièrement. Il y a un désir profond que le péché s'en aille dans sa vie, que le péché arrête. Souvent, je dis, Seigneur, je dis, quand est-ce que je vais arrêter de pécher? Quand est-ce que je vais arrêter? Le Seigneur dit tout le temps la même affaire. Mais tu meurs, François. Mais tu meurs, François. Mais tu meurs. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous pousse à désirer la sainteté, à désirer s'éloigner du péché. Mais ce n'est pas juste dans notre petite vie personnelle, c'est alentour de nous, dans notre maison, dans le monde. On aimerait que ça disparaisse, le péché. Il y a un désir profond. S'il n'y a pas ce désir-là en nous, il faut se poser des questions. Parce que le désir, le chrétien a ça en lui, il veut se séparer. On a chanté tout à l'heure, « Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. » Rends-moi comme toi, Seigneur. Et quand on regarde Jésus sur la terre, il y avait une sainte haine, une sainte colère. Hein? Quand tu venais quelqu'un entrer dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fouet. Il s'est mis en colère contre les hommes qui étaient là et les femmes qui ternissaient le nom de son Père, qui riaient, qui se moquaient, qui méprisaient la sainteté du temple. Il en avait fait une espèce de repère de voleurs. Nous, c'est dur pour nous de comprendre. Si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas, là, c'est notre foutu monde. Nous autres, on est dedans depuis qu'on est au monde. Ça fait partie de notre vie. Vous savez, je crois que quand Dieu regarde ce qu'il a fait, quand Dieu regarde la terre que lui a créée, le paradis qu'il a créé, qu'il a fait de ses mains, je pourrais dire ainsi, on a fait un méchant dépotoir avec. Les êtres humains en ont fait un méchant dépotoir. Littéralement parlant, mais aussi spirituellement parlant. C'est le bordel, c'est le péché. La Bible a dit que c'est les ténèbres. Dieu avait créé un monde de lumière, de sainteté, de pureté. Et nous, on en a fait un monde de ténèbres, un monde de péché. Un monde qui est rendu maintenant que c'est le prince des démons qui règne sur la création de Dieu. Hein? On l'appelle le prince de l'air, le prince de ce monde qui est Satan. Et je crois que Dieu a bien hâte que la moisson soit prête. Malgré qu'il a hâte aussi que des gens soient sauvés. Mais en même temps, il a hâte que le péché arrête. Et vu que nous faisons partie de son peuple, vu qu'on a son esprit en nous, l'Église aussi a hâte. Et ceux qui sont morts avant nous autres, qui sont rendus de jour au ciel, eux autres aussi ont hâte. Ils désirent la fin. Mais il y a une autre chose à partir du verset 5 qui va pousser Dieu à se mettre en colère. Et finalement, à enlever le mal, il dit, après cela, je regardai le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Qu'est-ce qui exige que la colère de Dieu s'abatte sur la race humaine? C'est la personne de Dieu elle-même, ce que Dieu est. Il y a un verset qui dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Sont trop purs. Nous, on est né dans le péché, puis à cause qu'on était pécheurs de par nature, on aimait le mal, on aimait le péché. Mais Dieu dit, celui est trop pur pour voir le mal. Il dit ici que quand il se lève dans le temple pour passer à l'action, parce que Dieu se lève, un exemple, puis quand il se lève, là, il y a une fumée qui remplit tout le temple. Quand Dieu se met en colère, hein, c'est pas drôle. Ma femme a déjà dit à mon garçon, tais-toi, parce que papa n'est pas de bonne humeur. Ma femme, elle savait que j'étais en colère. Elle dit, on est mieux pour parler de ce temps-là. Et quand Dieu se met en colère, le temple, c'est comme si le temple, tout le ciel fait silence, et Dieu se lève pour punir. Pour punir la terre. Il dit toute la gloire, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de ses attributs. La sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu exige de punir le malfaiteur. Ceux qui disent que Dieu ne fera jamais rien, qu'il va laisser passer, là, que Dieu est bon, là, il oublie certains de ses attributs. Il oublie que Dieu est quelque chose qui exige la sainteté. Doit punir. Le juste juge doit punir le coupable. Il est obligé de le faire. Ça fait partie de sa nature. Pourquoi est-ce que Dieu va punir les hommes? Simplement parce qu'il est Dieu. Simplement parce qu'il est Dieu. Si Dieu ne le ferait pas, ce serait pas Dieu. On s'attend à quoi, nous? On s'attend à ce que la police va arrêter quoi? Le malfaiteur. On s'attend à ça. S'il ne le fait pas, il n'y a pas une police. On s'attend à quoi que le juge va faire quoi devant le criminel? Qu'il va le punir? On s'attend à ça. Pourquoi? Quand il est juge, il devrait punir. C'est son rôle. Si c'est un juste juge, puis il passe un criminel devant, on s'attend à ce qu'il va les arrêter, puis il va les mettre en prison. Ou les faire mourir. Et Dieu, à cause de ce qu'il est, doit punir les gens. Il ne peut pas les laisser passer. Oh, vous avez déjà probablement entendu comme moi, bien des fois, Dieu est trop bon. Tout le monde va aller au ciel. Dieu est trop bon. Mais ce n'est pas ce que je dis ce matin ici. Ce n'est pas ce que je dis ce matin. Et nous devons, nous, avec politesse, avec douceur, avec, même avec tristesse dans notre cœur, dire aux gens à un moment donné, si tu ne te repens pas, Dieu va t'obliger de te punir, de te châtier. Parce que Dieu est saint, il est juste, il doit le faire. Et on va lire dans nos petits bouts, c'est ça que je vous dis, on va un peu plus vite, parce que ce ne sont pas des choses qu'on doit commenter longtemps, et ça, on va juste le lire maintenant, comment il va abattre sa colère, qu'est-ce qu'il va faire pour que sa colère tombe sur la terre. C'est pas facile à interpréter, j'essaie pas d'interpréter, personnellement, je le lis, puis je me dis, ça me fait déjà mal et peur juste de le lire, parce que c'est des images, beaucoup d'images, qui sont là et qui disent, voici ce que Dieu va faire. On va lire tranquillement. Et imaginez-vous là, si vous étiez sur la terre à ce moment-là et que vous n'étiez pas un chrétien, ou vous pouvez vous imaginer les gens que vous connaissez qui ne sont pas chrétiens et que ces choses-là, si ce serait demain matin que Dieu dirait, c'est le temps de la moisson et les sept anges se décident de faire ça, qu'est-ce qui arriverait à tous ces gens-là? 16, chapitre 16, verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Première coupe, un ulcère malin tombe sur tous les hommes de la terre. Ils vont souffrir de cela. Souvenez-vous l'histoire d'un homme dans la Bible qui a eu ça? Job. Qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait son ulcère. Il se tordait de douleur. La Bible même dit qu'il s'est assis sur un tas de cendres. Il a pris un morceau de vitre et se grattait avec pour soulager un peu sa douleur. Il avait un ulcère de la tente, de la tête jusqu'aux pieds. Imaginez-vous un ulcère béant et tu souffres de ça. Et les gens de la terre, tous les gens de la terre vont voir ça. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tous ceux qui n'auront pas puis le nom de Dieu, qui vont avoir accepté la marque de la bête, c'est marqué là, vont souffrir de cela. Moi, j'ai déjà eu juste des boutons, ça faisait mal. Juste des petits clous. J'ai déjà eu un clou. On appelait ça quand on était jeune. Et que ça faisait-tu mal? Mais un ulcère. Là, il dit un ulcère malin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un ulcère. Ça semble pire qu'un ulcère ordinaire. C'est un ulcère malin, en plus. Un méchant malin. Un ulcère. En tout cas. Le deuxième ange, le second ange versa sa coupe sur la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Ça nous rappelle quoi? L'Égypte. Hein? Quand Moïse a mis son bâton dans le fleuve du Nil, et qu'est-ce qui est arrivé? Tout est venu en sang. Tout ce qui était dedans s'est corrompu. Imaginez-vous la puanteur que ça pouvait faire. Et toute la... On dit que quand il y a une guerre, mettons, comme le tsunami qui a fait ça, là, ça amène des pestes, ça amène des maladies partout après ça, parce qu'il y a beaucoup de corruption. Et là, il dit c'est la mer. Ça veut dire que trois quarts de la planète devient du sang. Et tout ce qu'il y a dedans meurt. Et ça fait mourir beaucoup d'hommes à cause de ça. Le troisième versa sa coupe dans des fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Et j'ai entendu un autre ange qui de l'autel disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc ce troisième ange-là, il fait quoi lui? Il verse une coupe sur toutes les réserves d'eau potable de la planète. Et ça devient tous du sang. Dans l'Égypte aussi, ça a fait ça. Souvenez, ils ont commencé à creuser des puits un peu partout pour essayer de trouver un peu d'eau à boire. Hein. Puis c'était tout le temps du sang. Il n'y avait rien à boire. Eux autres, ça a duré juste quelques jours, parce que Moïse est arrivé après, puis il a renversé la malédiction de Dieu. Mais ici, non. Ici, c'est la planète entière. Plus d'eau à boire, potable. Plus d'eau à boire. Et il dit, pour nous autres, ça paraît difficile, pour nous autres, ça peut paraître dur, mais les anges dans le ciel, qu'est-ce qu'ils disent? C'est bien, Seigneur. C'est bien, Seigneur. Pourquoi Dieu va leur donner du sang à boire? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Ils ont fait couler le sang des enfants de Dieu. Ils ont versé le sang des enfants de Dieu pendant des millénaires. Dieu dit, en voulait du sang? Dieu dit, t'es juste, tu leur as donné maintenant du sang à boire. Tout à l'heure, on va voir dans l'Apocalypse plus loin, la grande prostituée, la mère de toutes les fausses religions, elle a dans sa main quoi? Une coupe de sang qui représente le sang de tous les chrétiens versés, et elle s'abreuve, elle boit de ça. Elle se nourrit de la mort des croyants. C'est une image, hein? J'ai-tu déjà dit comment de chrétiens sont morts depuis le début de l'Église? Selon Scotland Yard, en Angleterre, Scotland Yard, en 1975-80, dans ce coin-là, ont fait une recherche, combien de chrétiens étaient morts à cause de leur foi? Depuis le commencement de l'Église, ou à peu près. 50 millions qui sont fait tuer, pas qui sont juste morts comme nous de nos maladies, là. Se sont fait tuer pour la foi. C'est du monde, ça. C'est du monde, c'est plus que tout le Canada, ça. En Europe, en France, ce sont 60 millions. Toute la France meurt. Je ne sais pas si j'avais déjà lu. C'est pas toujours facile. Il y a un livre que j'ai lu, que j'étais plus jeune chrétien, ça s'appelait Le Sentier du Sang. Et il mettrait, l'image, c'était un petit ruisseau qui grandissait tout le temps, ça s'en allait de la croix jusqu'au retour du Seigneur. Et qu'il montrait à travers l'histoire de l'Église, à quel point comment l'Église avait souffert, qu'il y avait toujours du sang qui se répandait quelque part à cause de l'Évangile. Et des millions de gens Moi, j'ai lu la massacre de Saint-Barthélemy. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Mais... Les croisades, au nom de Dieu, là, ils rentraient dans des villes. Excusez, rentraient dans des villes en entier, des armées. Puis on coupait toute la tête de tout le monde qui était chrétien. Le sang coulait des rues à planche. Dieu dit, ils ont semé le sang. Maintenant, ils vont récolter le sang. Le quatrième ange, verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité de ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner la gloire. Avez-vous déjà eu un bon coup de soleil? Je me souviens, quand j'étais jeune, on allait à la rivière, puis on s'amusait à faire des radeaux, nous, dans ce temps-là. On ramassait, parce que quand la rivière débordait, comme c'était ici, là, ça amenait du bois sur les terrains où on vivait. Puis on ramassait tous les billots, puis on les attachait avec de la corde, parce que c'était des radeaux, on embarquait sur la rivière. C'était la mort de ma mère, ça, chaque fois qu'on faisait ça. Parce que la rivière était haute, hein, puis on se laissait descendre jusqu'à temps qu'on pouvait. On descendait pendant des kilomètres. Puis là, on disait à notre frère, viens nous chercher, là, bon, on l'appelait, là, on descendait. Tant qu'on pouvait, des fois, on avait des méchants rapides. On a déjà fait ton ballot que quoi, on en a plus. On fait des conneries, en tout cas. Excusez-moi. Mais une fois, on allait faire ce radeau-là, et je m'étais couché sur le bord de la rivière, et je m'étais endormi là au soleil. Quand je me suis réveillé, j'avais des cloches là. Et ça faisait mal. Ça me brûlait. Quand je disais, quand chaque fois que je dis ce passage-là, ça me rappelle ça. Il dit, le soleil va prendre. Tout à l'heure, on avait vu que le soleil avait comme perdu sa noirceur, un tiers de sa force. On a vu ça dans le chapitre, je pense, 8-9 dans ce coin-là. Mais il dit, il va prendre de la force, il va brûler les gens de la terre. C'est intéressant la réaction qu'ils ont, hein? C'est pas de la repentance. C'est quoi? C'est du blasphème contre Dieu. Vous savez, si vous et moi, on aurait été de blasphémer Dieu, c'est parce que Dieu est venu nous sauver. Pas parce qu'il était bon. Puis là, c'est pour ça que je crois personnellement que le temps de la grâce est terminé. Le temps de la repentance est terminé. Dieu ne donne plus la repentance à personne. Parce que quand Dieu les châtie, tout ce qu'il réussit à faire, c'est blasphémer encore plus Dieu. Ils ne se repentent pas. Pendant les temps des fléaux de l'Apocalypse, les gens ne se repentent pas. Les gens s'agressent contre Dieu. Sixième. Excusez-moi, cinquième. Non. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause des douleurs et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Ici, ça, on a besoin de comprendre comment les ténèbres vont amener les gens à souffrir. Vous vous souvenez, dans les 10 plaies d'Égypte, il y a eu à un moment donné des ténèbres aussi. Hein, tellement épaisses, là, que les gens ne voyaient même pas la main. Là. C'était noir. Hein, noir. Tu vois rien. Mais comment ça nous fait souffrir? Si c'est une souffrance physique, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rien faire, ils ne peuvent pas bouger. C'est tout ça. Des fois, j'ai tendance à penser que ça pourrait être un ténèbre spirituel, moral. Et que Dieu va laisser aller la folie des ténèbres spirituelles sur la race humaine. Et puis, aucun retient rien. Vous savez comme moi que Dieu, aujourd'hui, Dieu a une certaine capacité de retenir le mal. Il ne laisse pas aller le mal au fond sur la terre. Et je crois que là, il va laisser comme aller et dire, OK, allez-y. Je ne sais pas comment, au juste, c'est quoi, mais une chose est certaine, c'est que les hommes souffrent à cause de cela. Et ces ténèbres-là viennent du fait que Dieu verse sa colère sur les hommes. Et on dirait qu'il enlève toute lumière de l'humanité. Lumière physique ou bon, lumière spirituelle. Mais il enlève toute lumière. « Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. Son eau se tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas de sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? De la bête, du dragon, du faux prophète, de toutes ces choses-là, qu'est-ce qui sort? Il sort des démons, des esprits. Il dit, c'est quoi? C'est des grenouilles. Vous vous souvenez dans l'époque, dans l'Égypte, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'Égypte, les dix plaies d'Égypte, c'est toujours des dieux qui attaquent. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure, une monnaie, il y avait plein de grenouilles en Égypte. Dieu est en train de rire de leur dieu grenouille. Hein? Comme ici, qu'est-ce qui sort de la bouche? Parce que une grenouille, dans ce cas, c'est une image de démon, une image de quelque chose qui était impur. Du démon, de la bête, de tout ça, sort des démons. Et qu'est-ce qu'ils font, les démons, ici, là? C'est quoi qu'ils essayent de faire? Rassembler tous les rois de la terre, tous les gens de la terre, et veut les emmener où? Dans la vallée de Josaphat, dans la vallée d'Armageddon. Pour faire quoi? Pour se lever contre Dieu. On va voir ça dans les autres chapitres. Il rassemble l'armée qui va s'attaquer à Dieu finalement. Et c'est là que Jésus va descendre du ciel avec son armée, lui, puis il va les combattre dans la vallée de Josaphat, dans la vallée d'Armageddon. Quand j'étais là en Israël, j'étais allé dans la vallée qu'on appelle la vallée d'Armageddon, la vallée de Josaphat. C'est une plaine. Et c'est toujours là que les Juifs, quand ils se battaient contre les Assyriens, contre les Babyloniens, c'est là que la guerre se faisait. On rassemblait les armées. Il n'y avait pas de poutons dans ce temps-là, on lançait pas de bombes. Oui, j'ai pesé ça sur sa manette. Quitter. Il faut poser sur le point de dérogation pour quitter. Quitter, voilà. J'ai fait ça comme ça, j'ai pissé. Ah, François, tu es en train de dire quoi? OK. Dans la vallée, c'est là que les guerres se faisaient. Donc, il prend ça comme illustration. C'est, encore une fois, les ennemis de Dieu vont se rassembler là, et l'armée de Jésus va venir là, et là, on va faire la guerre. Vous avez déjà vu ça, parce que c'est des anciens films, hein? Une armée s'en vient, puis l'autre armée s'en vient sur l'autre bord, ils ont à peu près une longueur de flèche entre les deux, puis là, ils se mettent à tirer des flèches. Puis là, ils vont se battre avec des épées. C'est l'image qu'on donne ici, là. Les deux grandes armées, Dieu, le dragon, le Satan, tous ceux qui sont dans le camp du dragon et tous ceux qui sont dans le camp de Dieu vont se rassembler là pour une dernière guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Vous avez peut-être vu depuis le film? Il y a un film qui s'appelait Armageddon, c'était ça, hein? C'est la grande guerre, la destruction de l'humanité. Je ne sais pas tout comment ça va se passer, mais l'image est en train de nous dire ici que Dieu va amener une fin contre toute la race humaine. Dieu va s'élever. Il va aller détruire les êtres humains qui se lèvent contre lui tout le temps. Et on va lire le dernier, le septième, verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air, il sortit du temple, du trône, une voix qui disait, « C'en est fait. » Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, la ville des nations tombèrent, et Dieu se souvint de la Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, comme des grêlons, pesait un talent. Savez-vous c'est quoi un talent? 50 livres. Alors, j'ai vu un grêlon? Moi, je l'ai déjà vu tomber, on disait gros comme une balle de golf. Ça casse les vitres, ça casse les vitres, les windshields de char, ça casse tout. Elle m'ajoute de l'eau. Un morceau de glace qui pèse 50 livres. Sur toute la Terre, ça tombe, ça. Des météorites, on pourrait dire, une pluie de météorites qui tombe. Ça tombe sur la Terre. Et ça détruit tout. Et le tremblement de terre, on a eu, là, c'était quoi le dernier, le tsunami, c'était à 0.9, c'était à 9, sur l'échelle de Richter. Puis là, ça a fait tout un dégât, hein. 300 000 sont morts, à l'espace de quelques minutes. Là, il dit, ça va être un tremblement de terre comme la terre en a jamais eu depuis que la terre était faite. Ça va bouleverser les îles, ça va bouleverser. Si les îles disparaissent puis les autres sortent, mon gars, ça va être. Ça va être la destruction finale, ça va être la fin de toute chose. Hein. Pour moi, c'est au verset 21, c'est marqué une grosse graine, des grains longs, faisant un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la graine, parce que ce fléau était très grand. Donc, ce qu'on voit, hein, c'est Dieu vient et il verse sur la terre une destruction. Et il verse sa colère et les hommes et les femmes vont souffrir de ça. Et ils ne vont pas se repentir. Ils vont juste maudire Dieu plus. C'est pour ça que je crois, pareil, quand ils vont mourir, ils vont s'aller dans l'enfer et ils vont être jetés en enfer. Hein. C'est ça qu'ils vont continuer à faire pendant l'instant de l'éternité. Vous savez, s'ils maudissent Dieu pour la grêle, quand ils vont être jetés dans l'enfer pour l'éternité, ils ne vont pas commencer à prier. Là. Ils ne vont pas commencer à se repentir. Là. Ils vont juste continuer à maudire Dieu plus, à décimer Dieu encore plus. Cette semaine, je disais, Seigneur, merci que je ne vais pas subir ça. Et merci que Jésus a subi la colère de Dieu pour moi. Tu sais, Jésus a dit, hein, je m'en veux à la croix et je vais boire la coupe de la colère de mon Père. Si nous autres, on ne la boit pas, cette colère-là, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a bu pour nous. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. Il sait qu'il y en a 7, mais il y en avait un autre, on pourrait dire une 8e. Mais c'est Jésus qui l'a bu pour que nous, on n'ait pas besoin de la boire. Et si on ne subit pas cette colère-là, c'est parce que lui l'a subi à la croix pour nous. Et Jésus, lui, a subi la colère totale de Dieu, parce qu'il a été séparé de Dieu, il est allé en enfer pour nous. Donc, il n'a pas juste subi là, des grêles, là, physiquement parlant, il a subi aussi une colère spirituelle de Dieu, dans le sens qu'il est mort pour nos péchés. Et ensuite, il est revenu à la vie. La seule raison pourquoi vous et moi, on va éviter ça, c'est parce que Jésus nous a sauvés, c'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Il n'y a aucune autre raison. Il faut se réjouir de ça. Il faut se glorifier Dieu de ça, parce que c'est à cause de lui que tout ça va être fait pour nous. Et on va terminer par un mot de prière sur les biens. Notre Père du ciel, ta colère va un jour se déverser sur les hommes impies. On ne peut pas en douter, Seigneur, parce que si ta colère s'est déversée sur Jésus à cause du péché qu'il portait, ta colère va certainement atteindre tous les autres aussi. Si tu n'as pas épargné la colère, ta colère à ton fils, il n'épargnera certainement pas aux êtres humains. On te remercie, Seigneur Jésus, que ta colère, que la colère que tu as subie, tu l'as subie pour nous. Parce que toi, tu étais sans péché. Et tu l'as subie pour nous. On te remercie, Seigneur. On te loue, on te glorifie pour ça. Et Seigneur, on connaît tout chacun de nous. On connaît plein de monde qui vont subir cette colère-là s'ils ne se repentent pas. Nous sommes encore dans le temps de la première moisson. Nous sommes encore dans le temps où on peut récolter le blé et le mettre dans ton grenier. Aide-nous, Seigneur, à laisser sortir la lumière que tu as mise en nous. Aide-nous à avoir de l'amour, de la compassion, de la sympathie, si je peux dire ainsi, de l'empathie. Qu'on puisse avoir, Seigneur, une compassion pour ceux qui ne sont pas sauvés encore. Qu'on puisse dire avec l'apôtre Paul, mon désir pour moi, c'est qu'ils soient sauvés. Même si je pourrais devenir anathème pour qu'eux soient sauvés. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir un grand désir dans notre cœur pour nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins. Qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse leur laisser voir la vérité, leur dire, repens-toi pendant qu'il est encore le temps. Tourne-toi vers Jésus pendant qu'il peut encore te sauver. Nous te prions, Seigneur, pour ce temps qu'on va avoir chez Denise, ceux qui vont aller. Il va y avoir parmi nous là, des gens qui ne sont pas sauvés, des gens qui sont des amis à Denise. Seigneur, que sa volonté se fasse, qu'on puisse être selon ton désir, selon ta volonté, peut-être capable de parler à quelqu'un, de répondre à des questions. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui dois ouvrir les cœurs, c'est toi qui dois ouvrir les esprits si on veut que les choses se fassent. Agis, Seigneur. Agis. Nous en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. OK, on se lève pour un dernier cantique, si vous voulez bien. Le verset qu'on va chanter, c'est, ça dit « En son temps ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là. « En son temps ».